Règle 16e. Quant à ce qui n'exige pas l'attention de l'esprit, quoique nécessaire pour la conclusion, il vaut mieux le désigner par de courtes notes que par des figures entières. Par ce moyen, la mémoire ne pourra nous faire défaut. Et cependant, la pensée ne sera pas distraite, pour la retenir, des autres opérations auxquelles elle est occupée. Au reste, comme parmi les innombrables dimensions qui peuvent se figurer dans notre imagination, nous avons dit qu'on ne pouvait en embrasser plus de deux à la fois, d'un seul et même regard, soit des yeux, soit de l'esprit. Il est bon de retenir toutes les autres assez exactement pour qu'elles puissent se présenter à nous toutes les fois que nous en aurons besoin. C'est dans ce but que la nature nous paraît avoir donné la mémoire. Mais comme elle est souvent sujette à faillir, et pour ne pas être obligée de donner une partie de notre attention à la renouveler pendant que nous sommes occupés à d'autres pensées, l'art a fort à propos inventé l'écriture, à l'aide de laquelle, sans rien remettre à notre mémoire, et abandonnant notre imagination librement et sans partage aux idées qui l'occupent, nous confions au papier ce que nous voudrons retenir, et cela au moyen de courtes notes, de manière qu'après avoir examiné chaque chose séparément, d'après la règle 9e, nous puissions, d'après la règle 11e, les parcourir tous par le mouvement rapide de la pensée, et en embrasser à la fois le plus grand nombre possible. Ainsi, tout ce qu'il faudra considérer comme l'unité pour la solution de la question, nous le désignerons par une note unique, que l'on peut prendre arbitrairement. Mais pour plus de facilité, nous nous servirons des caractères ABC, etc., pour exprimer les grandeurs déjà connues, et grand A, grand B, grand C, pour les grandeurs inconnues, que nous ferons précéder des chiffres 1, 2, 3, 4, etc., pour en indiquer le nombre, et suivre des mêmes chiffres pour exprimer le nombre des relations qu'elles contiennent. Par exemple, si j'écris 2 A puissance 3, c'est comme si je disais le double de la grandeur représentée par A, laquelle contient 3 rapports. Par ce moyen, non seulement nous économiserons les mots, mais encore, ce qui est capital, nous présenterons les termes de la difficulté tellement nus et tellement dégagés, que même en n'oubliant rien d'utile, nous n'y laisserons cependant rien qui soit superflu, et qui occupe en vain la capacité de notre esprit quand il lui faudra embrasser plusieurs choses à la fois. Pour rendre tout ceci plus clair, remarquez d'abord que les calculateurs ont coutume de désigner chaque grandeur par plusieurs unités, ou par un nombre quelconque, tandis que nous ne faisons ici pas moins abstraction des nombres que tout à l'heure des figures de géométrie ou de toute autre chose que ce soit. Nous le faisons dans le dessein et d'éviter l'ennui d'un calcul long et superflu, et principalement de laisser toujours distinctes les parties du sujet dans lesquelles consiste la difficulté, sans les envelopper dans des nombres inutiles. Ainsi, soit chercher la base d'un triangle rectangle, dont les côtés donnés sont 9 et 12. Un calculateur dira que c'est racine de 225, ou 15. Pour nous, à la place de 9 et 12, nous mettrons A et B, et nous trouverons que la base est racine carrée de A2 plus B2. Ainsi resteront distinctes ces deux parties A et B qui dans le nombre sont confuses. Il faut remarquer ensuite que par nombre des relations, il faut entendre les proportions qui se suivent en ordre continu, proportions que dans l'algèbre vulgaire, on cherche à exprimer par plusieurs dimensions et figures, et dont on appelle la première racine, la seconde carré, la troisième cube, la quatrième carré-carré, mots qui, je l'avoue, m'ont longtemps trompé. Il me semblait en effet qu'on ne pouvait offrir à mon imagination rien de plus clair, après la ligne et le carré, que le cube et d'autres figures semblables. Elles me servaient même à résoudre bon nombre de difficultés. Mais enfin, après beaucoup d'expérience, je me suis aperçu que je n'avais rien trouvé par cette manière de concevoir que je n'eusse pu reconnaître plus facilement et plus distinctement sans elle. Qu'il fallait enfin repousser tous ces noms, de peur qu'ils ne troublassent notre conception, par la raison que la même grandeur, qu'on l'appelle cube ou carré-carré, ne doit cependant jamais, d'après la règle précédente, se présenter à notre imagination que comme une ligne ou une surface. Il faut noter avant tout que la racine, le carré, le cube ne sont que des grandeurs en proportion continue, que l'on suppose toujours précédée de cette unité d'emprunt dont nous avons déjà parlé. C'est à cette unité que la première proportionnelle se rapporte immédiatement, et par une relation unique, la seconde qui a pour intermédiaire la première par deux relations, la troisième qui a pour intermédiaire la première et la seconde par trois relations. Nous appellerons donc désormais première proportionnelle la grandeur qui, en algèbre, porte le nom de racine, seconde proportionnelle le carré, et ainsi de suite. Enfin, remarquons que quoique nous croyions ici devoir abstraire de certains nombres les termes de la difficulté pour en examiner la nature, il arrive souvent qu'elle eût pu être résolue plus simplement, avec les nombres donnés, que dégagée de ces nombres. Cela a lieu par le double usage des nombres dont nous avons plus haut touché quelque chose. C'est que les mêmes expliquent tantôt l'ordre, tantôt la mesure. Et partant, après avoir cherché la solution de la difficulté, lorsque cette difficulté est exprimée par des termes généraux, il faut la rappeler au nombre donné, pour voir si par hasard ils ne nous donneraient pas eux-mêmes une solution plus simple. Par exemple, après avoir vu que la base d'un triangle rectangle, dont les côtés sont A et B, étaient racine carrée de A2 plus B2, pour A2, il fallait placer 80, et pour B2, 144, qui, ajoutés l'un à l'autre, font 225, dont la racine, ou la moyenne proportionnelle entre l'unité, est 225 et 15. Nous en concluons que la base 15 est commensurable avec les côtés 9 et 12. Non généralement, parce que c'est la base d'un triangle rectangle, dont un des côtés est à l'autre comme 3 à 4. Tout cela, nous le distinguons, nous qui cherchons à avoir des choses d'une connaissance claire et nette. Mais les calculateurs ne s'en inquiètent pas, se contentant de rencontrer la somme cherchée, sans remarquer comment elle dépend des données, seul et unique point dans lequel consiste la science. Enfin, il faut observer en général qu'il ne faut confier à sa mémoire rien de ce qui n'exige pas une attention perpétuelle, si l'on peut le déposer sur le papier, de peur que ce souvenir superflu ne dérobe une partie de notre esprit à la pensée de l'objet présent. Il faut dresser une table pour y écrire les termes de la question, telle qu'elle aura été proposée la première fois. Ensuite, nous indiquerons comment on les abstrait et par quels signes on les représente, afin que, quand les signes mêmes nous auront donné la solution, nous puissions l'appliquer sans aucun secours de notre mémoire au sujet particulier. En effet, on ne peut abstraire une chose que d'une autre moins générale. J'écrirai donc de cette manière: on cherche la base AC dans le triangle rectangle ABC, et j'abstrais la difficulté pour chercher en général la grandeur de la base d'après la grandeur des côtés. Ensuite, au lieu de AB qui égale 9, au lieu de BC qui égale 12, je pose B, et ainsi de reste. Il faut noter en outre que ces quatre règles nous serviront encore dans la troisième partie de ce traité, mais prises dans une plus grande latitude qu'ici, comme il sera dit en son lieu.